بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنخوض المسألة الثامنة والأربعين 48 مسألة في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. Dans le sens où Allah عز وجل dit, et lorsque tu dis aux mu'mines, aux croyants, cela ne vous suffit pas que votre Seigneur vous renforce avec 3000 des anges. 3000 anges. Al-Imran, verset 124. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن مدد من الملائكة يوم البدر من 3000 إلى 5000 وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله تعالى إذ تستعيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة إذ تستعيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Donc le verset qu'on vient de lire, dans son apparence, laisse entendre que le renfort venu des anges, le jour de Badr, qu'il n'était que 3000. De 3000 à 5000. Et dans Surat al-Anfal, le butin, que Allah citait ce nombre comme étant de 1000 anges. Qu'il n'était que 1000 anges. Lorsqu'il a dit dans le sens, et lorsque vous avez demandé secours à votre Seigneur, qui vous a répondu en vous renforçant, en vous disant que je vous renforcerai de 1000 anges. Verset 9. Al-Anfal. قال والجواب عن هذا من وجهين. Il a dit la réponse de cela de deux façons. الأول أنه وعدهم بألف أولا ثم صارت 3000 ثم صارت 5000 كما في هذه الآية. Donc première réponse c'est que en premier lieu Allah Azza wa Jalla leur a promis de les renforcer avec 1000 anges. Ensuite c'est devenu 3000 pour finir par 5000. Comme dans le verset. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران لا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول لأن معنى مردفين مدبوعين بغيرهم وهذا هو الحق. Et deuxième façon de répondre, c'est que Surat al-Anfal, lorsqu'elle cite, Allah Azza wa Jalla, il cite plutôt 1000 anges, cela ne se comprend pas de 1000 anges, ne se limite pas à 1000 anges. Mais plutôt qu'il y a une indication vers un ajout. Et cet ajout est cité dans quelle surat? Celle de Al-Imran. Surtout du fait que dans la qira'a de Naafi'a, le mot qui est venu c'est Mourdafine et non pas Mourdifine. Qui veut dire Mourdafine, c'est-à-dire en arabe, qui veut dire qu'ils vont venir les uns à la suite des autres. Donc c'est-à-dire, 1000 vont venir, et d'autres derrière vont venir après eux. Ce qui démontre qu'il y aura un nombre plus grand que 1000. Et ça, c'est la réponse qui est véridique pour l'auteur. Que 1000 viendront, et également, d'autres après eux viendront, et ainsi de suite. « قال, وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر » فلا إشكال على قوله إلا أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. Quant à ceux qui disent que le renfort apporté dans Al-Imran, celui-là a eu lieu le jour de Uhud. Et celui qui est cité dans le surat Al-Anfal, c'est-à-dire 2000, dans le premier c'est 3000 et 5000 dans Al-Imran. Et dans Al-Anfal, c'est 1000. Il y en a qui disent que cela, ce renfort de 1000 anges, et a été, s'est produit le jour de Badr. Donc il n'y a pas de problème sur cette parole-là, hormis du fait que la bataille de Uhud, il n'y a pas eu d'anges qui sont venus pour apporter du renfort. D'accord ? Le seul problème, c'est que dans cette bataille de Uhud, il n'y a pas eu d'anges qui soient venus pour le renfort. لماذا ? والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. Après le verset. Donc la réponse c'est que justement, le fait d'apporter du renfort pour celui qui le dit, ce renfort était basé sur une condition qui était celle de l'endurance, de la patience et de la taqwa. Car Allah, dans le sens, il dit, en effet, si vous patientez et que vous craignez, et que votre ennemi vous assaille immédiatement, votre Seigneur vous apportera renfort, c'est-à-dire de 3 000 anges, enfin, 3 000 anges. Surat Al-Imran, verset 125. Qala, وَلَمَّا لَمْ يَصْبِرُوا وَيَتَّقُوا لَمْ يَأْتِي الْمَدَدُ وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالضُّحَاكِ وَالزُّهْرِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ بِهِ وَقَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ. Donc il dit maintenant, Allah Azza wa Jalla leur a promis cela à condition qu'ils patientent et qu'ils craignent. Mais il dit cependant, comme ils n'ont pas patienté et comme ils n'ont pas craint du fait qu'ils ont désobéi au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce renfort ne leur est pas parvenu. Ce renfort ne leur est pas parvenu. Car dans le verset, Allah dit bien « In tasbiru » si vous patientez. Et ça, c'est le cas de plusieurs mufassirines comme Mujahid ou Ikrima, ou Ad-Duhak, ou Zuhri, ou Ghayruhum, et c'est la parole d'Ibn Kathir. Ça, c'est le jawab par rapport à cette ishkel dans ces deux versets-là. Naam. Fa ila huna, wa alhamdu rabbil alamin.